Chapitre 2e. En 1821, il se fit un grand mouvement au milieu d'un de ces honnêtes et bons silences que connaissait la France de ce temps-là. Un petit livre était la cause de cette grande agitation, un livre de vers. Oh, naïveté de nos admirations à cette époque reculée! On se le passait fiévreusement. On le lisait avec rapidité, tandis que d'autres l'attendaient avec ardeur. On se le disputait. Le soir, dans les châteaux, et c'est là un fait qui nous a été attesté par des témoins oculaires, on se réunissait de fort loin pour en entendre la lecture, on en discutait la valeur, on en accentuait les beautés. Ce livre était l'œuvre d'un jeune gentilhomme de 20 ans qui s'appelait Alphonse de Lamartine. C'était les Méditations. Et quel charme, en effet, dans ces admirables vers. Vous représentez-vous la joie délicate et vive que vous éprouveriez jusqu'au plus intime de votre être, s'il vous était donné de contempler le premier une toile perdue de Raphaël ou un marbre de Michel-Ange. À chaque mouvement de la main qui soulèverait les voiles de ces chefs-d'œuvre heureusement retrouvés, votre cœur battrait, votre bouche s'ouvrirait, votre âme frémirait, ravie. Eh bien, jugez par là de la surprise profonde, du délicieux étonnement que durent ressentir les premiers lecteurs des Méditations en écoutant la musique de ces vers, en se pénétrant de leur parfum intime. Il y avait des siècles, peut-être, qu'on n'avait rien entendu de si beau dans le monde. Et remarquez qu'alors nous sortions à peine de la littérature du Premier Empire. Quelle littérature, hélas! Chateaubriand, Joseph de Maistre, Madame de Staël étaient absents ou suspects. Le vieux Ducis s'était gravement retiré pour abriter son indépendance menacée. Delille enfilait sans se fatiguer le chapelet de ses jolies périphrases et décrivait, décrivait, décrivait. Nous possédions aussi Fontane, Arnaud, Lebrun et Luce de Lancival. Tout cela était vieillot, racorni et plus ennuyeux que ridicule. L'empereur Napoléon, comme sa correspondance nous le prouve à chacune de ses pages, n'avait de la littérature et de l'art qu'une notion peu élevée et sans ampleur. À ses yeux, les beaux vers, les beaux tableaux et la grande musique n'étaient guère qu'une question de cérémonial. Leur fonction principale était de contribuer, comme les franges d'or et les tentures du trône, à la splendeur de la dynastie et à l'éclat de ses fêtes. Il n'était qu'un ornement, plus cher que les autres. Tout à coup, voici des vers limpides, harmonieux, d'une élévation constante, où l'on ose sans cesse parler de l'âme et de Dieu, et où certains esprits ne voient qu'une sorte de cours de philosophie, une théodicée, une psychologie poétique. Et en effet, c'était tout cela. C'était la grande réconciliation de la vérité et de la poésie. C'était leur sincère et admirable baiser. « Oui, » dit Lamartine lui-même, « il fallait avant moi, quand on lisait des vers, avoir sous la main le dictionnaire de la fable. C'est moi qui ai changé tout cela, c'est moi qui t'ai cherché dans l'âme humaine les cordes véritables de la lyre. » Ne croyez pas que ce soit là l'expression d'un fol orgueil. Ce n'est qu'une fierté légitime, et en vérité, Lamartine a bien le droit ici de relever la tête. Avant lui, la poésie n'était guère qu'une collection de formules, un dialecte savant à l'usage de certains érudits, qu'on appelait les nourrissons du Pinde, un langage de convention qui se parlait sur les hauteurs, entre initiés, non sans une majesté pleine de mystères. Le peuple et les enfants n'en saisissaient rien, et il fallait avoir ces humanités pour bien connaître la beauté d'une tragédie ou d'une ode. Parmi tout le pédantisme de cette versification hiératique, on avait oublié qu'une chose, l'âme humaine et ses énergies poétiques. Lamartine parut, et désormais, cet oubli ne saurait plus se produire au sein d'une société qui a pour toujours la notion de la poésie sincère. Son point de départ, c'est l'âme. Son but, c'est Dieu. Nos douleurs, nos passions, nos luttes, notre foi, nos doutes, nos larmes, nos fautes, nos remords, nos cris vers la miséricorde éternelle, nos soupirs enfin et nos désirs, voilà, voilà le digne objet de la poésie. Ah, ne me parlez pas de vos Alexandres incorrects, où règne une fausse mythologie, que les Grecs ne reconnaîtraient point, et que les Romains renieraient. Ne me parlez pas de votre pasteur des troupeaux de Neptune, ni de vos petites périphrases, ni de votre lyrisme guindé, ni de votre poésie à échasse. J'ai entendu, j'entends, je possède enfin la vraie poésie. Oui, c'est bien comme cela que je me parle à moi-même quand je souffre, quand je doute, quand je tombe, quand je me relève. Toute mon âme vivante frémit dans cette poésie vivante. Ces vers, c'est moi-même, c'est mon langage, c'est ma vie. Et toutes les autres versifications, c'est du non-moi. Les anciennes barrières sont rompues. Les vieilles formules ne sont plus qu'une langue morte. Les mythes défigurés de la Grèce et de Rome sont enfin jetés à la porte d'un art appelé à de plus nobles destinées. Ah, nous respirons enfin. Et la poésie devient, comme nous le disions tout à l'heure, une psychologie, une théodicée en action. Il nous semble, pour la première fois, assister au lever du soleil, et nous tendons les bras vers la lumière. Mais jugez encore un coup de l'émotion de nos pères quand ils lurent, quand ils entendirent des vers tels que les suivants, les plus admirables peut-être qu'on ait jamais écrits dans aucune langue. Le roi brillant du jour, se couchant dans sa gloire, descend avec lenteur de son char de victoire. Le nuage éclatant qui le cache à nos yeux conserve en sillon d'or sa trace dans les cieux, et d'un reflet de pourpre inonde l'étendue. Comme une lampe d'or dans l'azur suspendue, la lune se balance au bord de l'horizon. Ses rayons affaiblis dorment sur le gazon, et le voile des nuits sur les monts se déplie. C'est l'heure où la nature, un moment recueillie, entre la nuit qui tombe et le jour qui s'enfuit, s'élève au Créateur du jour et de la nuit, et semble offrir à Dieu, dans son brillant langage, de la création le magnifique hommage. C'est peu de croire en toi, bonté, beauté suprême. Je te cherche partout, j'aspire à toi, je t'aime. Mon âme est un rayon de lumière et d'amour qui du foyer divin détaché pour un jour, de désir dévorant, loin de toi consumé, brûle de remonter à sa source enflammée. Je respire, je sens, je pense, j'aime en toi. Oui, j'espère, Seigneur, en ta magnificence. Partout, à pleine main, prodiguant l'existence, tu n'auras point borné le nombre de mes jours à ces jours d'ici-bas, si bornés et si courts. Je te vois en tout lieu, conserver et produire. Celui qui peut créer dédaigne de détruire. Témoin de ta puissance et sûr de ta bonté, j'attends le jour sans fin et l'immortalité. Ah, nous savons bien qu'elle a de grands défauts, cette nouvelle et puissante poésie, et nous ne prétendons point les cacher. Mais il conviendrait cependant de ne pas les exagérer. Laissons, sans nous y arrêter, la troupe des critiques grammaticaux relevant avec soin les participes passés qui n'ont point pris l'accord et les virgules qui ne sont point à leur place. Laissons ces petites gens et passons. Il est d'autres reproches, d'une toute autre gravité, qu'on est en droit de diriger contre la première œuvre de Lamartine. Et tout d'abord, on a, non sans raison, accusé le jeune poète d'avoir exprimé, dans ses vers indécis et pleins de brouillard philosophique, la religiosité plutôt que la religion. La critique, hélas, n'est que trop juste, bien qu'elle soit devenue banale. Certes, l'éducation du poète avait été profondément catholique, et nous ne pouvons ici invoquer en sa faveur des circonstances atténuantes auxquelles il ne saurait légitimement prétendre. Du premier coup, il pouvait réconcilier avec la poésie non pas seulement la philosophie, mais l'ordre surnaturel tout entier. Il avait cette mission, et son génie ne lui avait peut-être été confié que pour atteindre ce but. Il n'a pas eu cette audace. Il a reculé, et par là même, il a failli tomber décidément au second rang. Il n'a pas profité d'une de ses heures, comme il s'en rencontre rarement dans l'histoire des révolutions littéraires. Il a cru que le Dieu révélé par la raison est essentiellement poétique, mais il n'a pas cru à la physionomie plus profondément poétique du Dieu révélé par les Écritures et par la tradition. Il n'a osé qu'assez tard et fort imparfaitement aborder la figure de Jéhovah, mais il n'a jamais cherché, il n'a jamais aimé le visage de Jésus. Pouvant être théologien comme Dante, il a préféré demeurer philosophe comme Platon, ou plutôt comme M. Cousin. Personne n'y a plus perdu que le poète lui-même. Ses ailes se sont raccourcies, il a volé moins vite et moins haut. Nous parlions de brouillard tout à l'heure. Le brouillard, en effet, a été le plus rude châtiment de M. de Lamartine. Il avait reculé devant la nette lumière du catholicisme. il fut condamné aux nuages, à l'indécision des contours, à la brume, et quelquefois même à la nuit. On peut l'accuser de panthéisme, non sans quelque semblant de raison. Je ne pense pas qu'il ait jamais commis ce grand crime contre la vérité, mais il lui est souvent arrivé de ne pas savoir ce qu'il voulait dire. Sa philosophie était contemplative autant qu'éclectique, elle tournait au rêve. De là, tant de beaux vers qui peuvent passer pour avoir une signification mauvaise et qui n'en ont aucune. Si M. de Lamartine a fait du panthéisme, soyez certain que c'est sans le savoir. D'ailleurs, il a très noblement protesté à plus d'une reprise contre cette accusation qu'il a eu l'honneur de trouver capitale. Il l'a fait une première fois dans la préface de Jocelyn, et tout récemment, en feuilletant son cours familier de littérature, j'avais la joie d'y trouver une nouvelle protestation plus énergique encore et plus éloquente contre la plus redoutable de toutes les erreurs contemporaines. Mais voyez où peut conduire le brouillard. Le pire est que M. de Lamartine a fait des élèves, que de bacheliers, hélas, et que de docteurs en religiosité. Les imitateurs, c'est le fléau, c'est la punition vivante de l'artiste. Ils imitent de préférence les travers de leur maître, et trouvent le secret de les changer en défauts horribles, en vices monstrueux. Je me souviens d'un grand orateur religieux qui avait écrit cette trop jolie pensée. Le premier sacrement que reçoive un enfant, c'est le baiser de sa mère. Survint un imitateur qui grossit, qui exagéra l'idée du maître et qui lâcha cette énormité. La jeune fille porte dans ses yeux un sacrement qui fait tomber à ses pieds. Ces imitatores servum pecus ne pouvaient pas manquer à l'auteur des méditations. Ils sont trop aisément parvenus à le compromettre. Ils ont créé une nouvelle religion ici-bas, celle du dieu brouillard. Ils nous ont inondés de volumes jaunes, où l'infini, le soleil, l'âme de l'univers, la lune, les rayons, les étoiles sont très bizarrement amalgamés, et où l'on ne peut en bonne justice signaler une seule phrase bien claire. Cette philosophie vague était d'ailleurs d'une pratique aisée, et ne se condensait pas en des lois fort nettes. Les élèves avaient sous les yeux les vers du maître. Voilà le sacrifice immense, universel. L'univers est le temple et la terre est l'autel. Les cieux en sont le dôme, etc. Il se croyait par là dispensé d'entrer à l'église, même pour s'y marier. Et c'est ainsi qu'on en arrivait de nouveau, sans s'en douter, à l'autel de la nature, trop préconisé par le XVIIIe siècle. Du reste, cette philosophie poétique fut une véritable mode, qui dura ce que durent les modes. On se lassa bientôt de l'infini et du bleu de M. de Lamartine. Nos modes, après tout, ne valent pas celles-là. Les méditations présentent un autre danger. Elles amollissent les âmes en les portant à la mélancolie. Nous le disions plus haut, c'est de René que date l'ère des poitrinaires. Oui, mais les méditations ont donné à cette épidémie un singulier développement. Les méditations, qui peuvent se résumer en ces deux vers, la lune se balance au bord de l'horizon, ses rayons affaiblis dorment sur le gazon. Ils sont beaux, ces vers, mais ils ont enfanté ces générations de rêveurs, et surtout de rêveuses à la lune, qui ont été aussi la plaie de notre siècle. Elles allaient le soir errer sur le bord des rivières et des lacs, les yeux tournés vers la lune, un livre à la main, la rêverie dans l'âme. Leur pas était mélancolique, leur physionomie triste. Elles se croyaient effroyablement malheureuses. Si elles avaient pu avoir une robe blanche, elles eussent été plus touchantes encore. Mais il fait si froid le soir, et les rhumes se gagnent si vite. Ah, si seulement elles avaient été poitrinaires. Mais non, ce bonheur-là leur était refusé, et elles n'étaient que trop bien portantes, hélas. Elles poussaient néanmoins de gros soupirs vers l'inconnu, elles jetaient vers l'infini de longs regards, et se passait presque toujours la fantaisie d'écrire une méditation qu'elle dédiait implacablement à M. de Lamartine. Ce qu'il y a de plus sérieux et de plus regrettable, c'est que ces âmes perdaient toute leur activité, c'est que la lecture des méditations diminuait étrangement dans le monde la somme de la virilité chrétienne, c'est qu'au lieu d'avoir la femme forte de l'écriture, nous avions je ne sais quelle femmelette maladive, incapable de bercer un enfant et de préparer le repas d'un mari, tout à fait assoti par le rêve et d'une nullité aussi coupable que ridicule. Les méditations n'ont que trop souvent produit ce quiétisme philosophique, et il n'est guère moins dangereux que celui de Madame Guyon.